Audiomatique. Le groupe Bajo Fondo, composé de musiciens argentins et uruguayens, nous offrait en guise d'ouverture de cette transmission 070 de l'émission Audiomatique une musique électro-contemporaine teintée de mélodies empruntant au style du tango. De l'album Mar Dulce, paru en 2007, nous écoutions la pièce Grand Guignol. Les électronistes qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre émission Audiomatique et qui vous convie à 60 minutes dédiées à la musique électronique. Pour ce soir, nous avons en réserve pour vous plusieurs nouveautés, à commencer par Massive Attack. Thank you. La matière audible qui se dégageait à l'instant des ondes peut être identifiée comme étant la pièce Sistor de l'artiste italien Andrea Senatore. Cette pièce est tirée de son album Vulcan, lancé en 2014. Tout juste avant, nous entendions le groupe québécois Micropanic avec la pièce Tech Sturm de leur mini-album Arbos. Micropanic a été fondé par Jean-Sébastien Vaillancourt qui nous a offert un premier album en 2012 intitulé Fall of Melancholis, dont l'esthétisme oscille entre l'électronica, l'alternatif et l'ambiant. Ici, avec le mini-album Arbos, Jean-Sébastien Vaillancourt est joint par le batteur Jean-Christophe Blain pour donner à Micropanic un son résolument plus rock, mais toujours avec des influences électroniques. La pièce Tech Sturm que l'on entendait ne représente pas tout à fait la nouvelle direction artistique du groupe. Nous vous invitons d'ailleurs à visiter leur profil sur Bandcamp au micropanic avec un k.bandcamp.com pour écouter le mini-album Arbos dans son entièreté. Et en début de bloc, il s'agissait du groupe britannique Massive Attack qui n'avait rien produit depuis environ 5 ans et qui nous revient avec un mini-album intitulé Ritual Spirit qui est paru le 28 janvier dernier. Fidèles à leur habitude, les membres de Massive Attack ont collaboré avec des chanteurs invités sur ce mini-album, dont Tricky, avec qui ils n'avaient pas travaillé depuis 1994 quand même. Nous entendions la pièce-titre de ce mini-album, soit Ritual Spirit, sur laquelle chante l'artiste britannique Azekel. À Audiomatic, allons-y maintenant avec une séquence de deux pièces à saveur plus techno, soit tout d'abord Hi-Fi Virus, Lo-Fi Ego de la formation péruvienne Telemin Cuatro. We'll be right back. vous êtes assez fait. 80. La séquence musicale se terminait sur la techno minimale de l'artiste David Binoise, le pseudonyme de l'artiste équatorien Eduardo Zambrano. La pièce que nous entendions, intitulée Ruidos en tu oído izquierdo, paraît sur la composition Musica Electronica Ecuador Volume 1, qui regroupe, comme son nom l'indique, une panoplie d'artistes et de projets de musique électronique provenant de l'Équateur. Et c'est Teremin Cuatro, une formation du Pérou, qui ouvrait la séquence musicale avec sa pièce Hi-Fi Virus Lo-Fi Ego, tirée de l'album Inflammable. C'est au tour du groupe québécois Hologramme de rendre à Audiomatic sa vocation toute musicale. We'll be right back. difficile de prendre la parole après un passage musical semblable, mais disons que ce qui a été entendu à Audiomatique était la chanson « Take It Easy » de la Texane Emily Wells, qui fait carrière depuis une bonne quinzaine d'années et qui, le 29 janvier dernier, lançait l'album « Promise » que vous devriez considérer vous procurer si vous avez apprécié la pièce « Take It Easy ». Précédemment à Emily Wells, nous avons voulu vous faire entendre une courte pièce du trio québécois Le Couleur, qui s'intitule Auto-Variation 64 et qui est tirée de leur mini-album Dolce Désir. Si vous souhaitez avoir une vision plus complète de l'œuvre du trio Le Couleur, nous vous invitons à consulter leur profil lecouleurmusic.bandcamp.com. Et ce segment s'ouvrait avec un autre groupe québécois, soit Hologramme, principalement mené par Clément Leduc. Nous avions droit à la pièce POV de leur album homonyme paru au printemps dernier. On entend souvent parler des hommes qui furent pionniers de la musique électronique, mais moins souvent on met de l'avant la part des femmes dans le développement de ce genre musical. Et pourtant, certaines femmes expérimentent l'univers des possibles sonores depuis aussi longtemps que leurs contemporains masculins. Parmi les figures féminines marquantes, on retrouve l'accordéoniste et compositrice américaine Pauline Oliveros, qui participe depuis les années 1960 à l'essor de la musique minimaliste et électronique. Elle est aussi derrière le concept de l'écoute active, « deep listening » en anglais, qui différencie le fait d'entendre les sons par rapport à l'activité volontaire de les écouter, ce qui demande de s'imprégner de la nature de chaque sonorité et de s'y connecter émotionnellement. Bref, les électronistes vous proposent d'entendre la pièce « Bye Bye Butterfly » composée en 1965 par Pauline Oliveros. Il s'agit en fait d'une improvisation sonore construite à partir de la pièce « Madame Butterfly » de Puccini. À cette époque, Pauline Oliveros avait mis au point une technique lui permettant de jouer entièrement ses pièces live plutôt que de procéder par échantillonnage et collage de sons. Les électronistes qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, malgré la fin imminente de l'émission, puisqu'il y aura la transmission 071 mercredi prochain à 17h. D'ici là, nous vous suggérons fortement de visiter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou, car vous pourrez ainsi entendre ou réentendre toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et si jamais vous désirez partager vos découvertes musicales ou que vous avez des questions au sujet de nos propositions, vous pouvez nous joindre à l'adresse audiomatique-cfou@gmail.com. Voici Pauline Oliveros et sa composition « Bye Bye Butterfly ». Bonne écoute et bonne semaine.